Les entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Fadjet la radio et on est ensemble pour une nouvelle émission des entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un événement qui a lieu mercredi prochain, le 13 septembre plus précisément, et qui est organisé par France Active Lorraine via le dispositif CitéLab et l'ADI, en partenariat avec la ville de Vendeuve-les-Nancy. J'ai donc le plaisir de recevoir ma collègue et chef de projet CitéLab, Vanessa Merlin. Bonjour Vanessa. Bonjour. Et Crépin Yaou Edéou, conseiller en microcrédit à l'ADI. Bonjour Crépin. Bonjour. Alors Vanessa, tu peux nous parler de l'événement qui a lieu mercredi prochain ? Bien sûr. Alors mercredi 13 septembre, comme tu l'as dit tout à l'heure, aura lieu donc le marché des créateurs, fléché artisanat et gastronomie. L'ouverture se fera dès 14h au public. Et il sera situé donc au parc Richard Pouille à Vendeuve. Et nous en profitons pour remercier encore une fois la ville de Vendeuve pour le soutien. Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce marché ? Qu'est-ce qu'on va retrouver comme stand, par exemple ? Oui, alors sur ce marché, on va d'abord retrouver pas mal d'entrepreneurs qui ont été accompagnés par le dispositif CitéLab. Au marché des créateurs, vous pourrez retrouver donc différents stands, avec notamment pas mal d'artisans qui vont faire des produits faits main, tels que du miel, de la pâte à tartiner, des yaourts, du fromage. Et il y aura aussi donc un stand de bière artisanale. Puisqu'on sait que l'écologie, c'est quand même un sujet qui est au cœur de nos préoccupations, vous aurez l'occasion de découvrir également des entreprises locales proposant de la maroquinerie, du textile à base de produits recyclés. Chaque produit est unique. Si vous êtes amateur d'art, vous pourrez découvrir deux jeunes artistes peintes, accompagnés également par le dispositif CitéLab, deux univers différents avec des tableaux d'une grande qualité. Ces deux artistes qui demandent à être reconnus, qui cherchent encore leur public, donc n'hésitez pas à venir leur rendre visite. Et si vous êtes gourmand, je vous invite au stand de Cake by Swad. Donc c'est une jeune entrepreneuse que j'accompagne actuellement par le biais du dispositif CitéLab, qui propose en fait des biscuits. Donc c'est des biscuits qu'elle réalise elle-même, qui sont personnalisables, avec des messages du quotidien ou des messages un petit peu décalés. Ou c'est aussi des biscuits qu'on peut utiliser quand on est une entreprise. C'est ce qu'on appelle en fait des goodies gourmands qui vous permet soit d'imposer votre logo dessus et vous pouvez les donner à vos clients, ou alors tout simplement ça peut être des gâteaux qui vous servent à promouvoir un événement, une marque. Merci Vanessa. Et donc du coup, il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont été accompagnés par CitéLab et on a aussi d'autres entrepreneurs qui ont été accompagnés par l'ADI. Est-ce que Crépin, tu peux me parler de ces entrepreneurs ? Oui, ben écoute, merci Morgane. C'est un événement qu'on a déjà fait une fois, qu'on va refaire. Donc, c'est un homme de porte-projet qui était déjà venu avec nous, qu'on a accompagné, qui seront là à nouveau. Donc, je vais commencer par ces porteurs et porteuses-là. Donc, on aura une personne qui fait des doudous pour les enfants et aussi des doudous en forme de jeu pour les enfants également. Il y aura une personne qui fait de la sérigraphie, qui fait des trucs super intéressants. Cette année, on aura un coutelier qui habite un quartier prioritaire de Pont-à-Mousson qu'on a accompagné également. Donc, il va nous proposer de ses articles. Donc ça va être une nouveauté. Ils n'étaient pas l'année dernière et ils seront avec nous cette année. Et puis, on aura une personne qui va nous proposer donc des cake box. Alors là, c'est pour les personnes qui aiment bien les bonnes choses. Voilà, et tout ceci à des prix relativement raisonnables. Voilà, pour permettre aux uns aux autres, toutes les personnes qui viendront de pouvoir faire des achats, s'ils le souhaitent, faire un peu de... Ça permet à nos porteurs, non seulement de se mettre en valeur, mais aussi de faire un peu de business. Puis, il y en aura plein d'autres, j'en passe. Tout simplement. C'est super. Alors, comment est venue cette idée de faire ce marché, Vanessa, et pourquoi ? Alors, pour refaire un petit peu la genèse de ce projet, comme l'a dit Crépin, donc c'est pas la première fois qu'on le fait, et on est parti en fait d'un constat qui peut vous paraître étrange, mais souvent dans les grandes métropoles ou dans les grandes villes, on voit souvent des animations ou des événements qui mettent en fait en lumière les acteurs de l'accompagnement. Nous, on s'est dit, pourquoi pas, parce qu'on les voit pas souvent, créer un événement où on mettrait en lumière tous ces hommes et toutes ces femmes qui, à un moment donné, ont décidé de créer leur propre entreprise et leur propre emploi. Donc voilà un peu comment ça a commencé. Donc c'est vrai qu'on met quand même en avant les acteurs de la création, mais c'est plus dans l'optique de faire venir les gens à la découverte de ces femmes et ces hommes qui ont créé leur entreprise. D'accord, parce que du coup, si on est intéressé pour créer son entreprise, vous aurez aussi également un stand où on pourra se renseigner, en plus de voir les entrepreneurs locaux. Alors, je répondrai oui, même doublement oui, parce qu'en fait, si tu veux, il y a deux volets. Donc, effectivement, toute personne qu'on appelle les porteurs de projets qui seraient intéressés pour créer leurs entreprises pourrait à la fois venir à notre stand, parce qu'avec l'ADI qui se présentera tout à l'heure, on est complémentaires. Et puis, en fait, le fait de venir directement sur site et voir ces personnes, ces hommes et ces femmes qui ont réussi et pour qui ça n'a pas forcément été simple, c'est d'autant plus moteur. Et puis, c'est plus réaliste. C'est-à-dire que c'est vraiment, on va dire, l'autre facette. Nous, on est un peu la facette, où on va leur donner les dimensions, comment on va faire. Mais eux, c'est du concret. Ils ont vraiment réussi. Les billes qu'ils donnent, ils n'ont pas de prix. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement le dispositif CitéLab que tu portes en tant que chef de projet ? Oui, alors pour vous le présenter de façon assez succincte, donc le dispositif CitéLab, c'est un dispositif d'appui à la création pour des personnes résidant dans certains territoires de la métropole. Donc pour les cités, c'est ce qu'on appelle en fait les quartiers prioritaires de la ville. Donc si les personnes qui résident à la Californie, à Tomblaine, à Mouzimpré, sur le plateau de Haie, au Champ-le-Bœuf, sur Saint-Michel-Géricault ou aux provinces, ont un projet de création et qui veulent des informations, je les invite à se rapprocher de CitéLab. Donc pour nous trouver, c'est assez simple. Vous tapez CitéLab, CitéLab sur Google. Vous aurez donc la fiche avec mes coordonnées. D'accord. Et du coup, tu proposes quoi en fait ? C'est quoi ce dispositif ? Alors, donc, c'est un dispositif qui, comme j'ai dit tout à l'heure, accompagne les gens. Donc, le premier rendez-vous, c'est ce qu'on appelle en fait un rendez-vous diagnostic. Donc, on va se poser avec la personne, voir où elle est dans son projet et ce qu'il lui reste à faire. Et après, en fait, ça va déboucher sur un accompagnement pour faire grandir en fait le projet, mais aussi le porteur de projet pour que demain, il devienne un bel entrepreneur. Et il faut savoir que c'est un dispositif qui est porté nationalement par BPI France. Du coup, c'est un accompagnement qui est gratuit ? Alors, c'est un accompagnement qui est gratuit, tout simplement parce que c'est mon poste qui est financé. Donc, effectivement, la personne qui va faire appel à CitéLab n'a rien à débourser. D'accord. Et du coup, comment ça se passe ? On a d'abord un premier rendez-vous avec toi. Il faut être à quelle phase de projet ? Alors, généralement, 95% des personnes que moi, je rencontre sont en phase d'émergence, donc d'idéation. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elles n'ont qu'une idée. Elles savent généralement pas quoi en faire. Et donc moi, mon travail, en fait, c'est de les aider pas à pas à faire évoluer ce projet vers cette idée vers ce projet, pardon. Donc il y a plusieurs rendez-vous. On avance en fait au stade de au rythme de la personne, en fonction de ses besoins. Donc c'est assez difficile à définir, mais retenez que on prend le temps d'avancer selon vous. D'accord. Et du coup, c'est que des entretiens individuels ou tu fais d'autres animations, des travaux collectifs ? Alors effectivement, il y a un deuxième volet. Donc, faut savoir que le chef de projet CitéLab a une casquette en fait d'animation du territoire et notamment des territoires que j'ai cités tout à l'heure. Donc en fait, on a le volet où on fait du cas par cas, donc c'est de l'individuel. Et après, on propose tout au long de l'année donc différents ateliers. Donc là, c'est ouvert à tous les porteurs de projets de la métropole, ce qui facilite en fait et favorise la mixité sociale. Et puis après, on a des petits moments où on va faire des ateliers collectifs avec les porteurs de projets. Du dispositif CitéLab, mais pas forcément sur les années, enfin pas forcément sur 2023, ça peut remonter jusqu'en 2020, ce qui permet en fait de favoriser la cohésion, la création de réseaux et puis les ponts qui peuvent se faire entre eux. D'accord. Donc je sais que tu travailles quelquefois avec l'ADI, justement, Crépin, tu es là aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'ADI ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors merci. Je vais quand même souligner le travail que nous faisons avec Vanessa et toi-même en appui. Tu le sais bien depuis pas mal de temps. Donc c'est une complémentarité qui montre ses preuves sur le terrain à travers les ateliers qu'on peut organiser ensemble, le marché de créateurs qu'on organise et puis, comme l'a dit Vanessa tout à l'heure, le réseau de porteurs de projets que nous avons réussi quand même à mettre en place. Aujourd'hui, il y a des personnes qu'on a financées différemment, qui se retrouvent sur le marché de créateurs, par exemple, et qui commencent, eux, de leur côté, à travailler ensemble. Donc ça, c'est important de souligner ce travail de partenariat que nous faisons. Et l'ADI, c'est quoi ? Alors l'ADI, c'est Association de droit à l'initiative économique. Tout simplement, on sait que beaucoup de personnes souhaitent créer leur propre emploi ou démarrer une activité, mais faute de moyens, ne peuvent pas. Donc l'ADI va financer la plupart des personnes qui n'ont pas accès aux prêts bancaires. L'ADI permet à 20 000 personnes chaque année de pouvoir créer leur entreprise. Le prêt que nous faisons, notre cœur de métier, c'est donc le microcrédit. Et donc, nous faisons des microcrédits jusqu'à hauteur de 12 000 euros. Avec l'appui de la BPI, on peut aller jusqu'à 15 000 euros, c'est-à-dire avec un prêt d'honneur à taux zéro. Voilà. Alors, comment fonctionne l'ADI ? Nous avons une agence donc, qui est basée à l'Axou, mais nous faisons des permanences. Donc, moi particulièrement, je fais des permanences à Pont-à-Mousson tous les mardis et tous les jeudis à Toul. Mon collègue, lui, faisait des permanences sur Lunéville. Voilà, donc il sera remplacé bientôt, bien entendu. Donc, la permanence de Lunéville va continuer. Ça nous permet d'aller au plus près donc, des porteurs de projets. Donc, ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Nancy, on leur donne l'occasion donc, de pouvoir nous rencontrer. Voilà ce que je peux vous dire. Et vous faites aussi d'autres actions ? Vous faites des animations Alors, c'est l'occasion de rappeler qu'il y a un mois à peu près, on a fait le tour de pas mal de 4 quartiers, donc prioritaires, en compagnie de notre partenaire donc Cité Lab. Voilà, avec notre camion, le camion de l'ADI, on a fait donc ce qu'on appelle une présence tout simplement dans les quartiers pour aller à la rencontre des gens. Voilà, donc on fait ce genre d'action. On organise aussi régulièrement des ateliers à l'ADI parce que à l'ADI, on parle de microcrédit, mais c'est surtout le microcrédit accompagné, c'est-à-dire que toute personne financée à l'ADI peut bénéficier, je vais dire, donc, d'un certain nombre d'ateliers qui sont gratuits, qui sont organisés régulièrement. Donc, c'est des ateliers de solutions, c'est des ateliers donc, pour réfléchir un peu plus sur son statut juridique, si on a bien démarré, est-ce qu'il faut se relancer, est-ce qu'il faut se réorienter. Donc, on a tout un panel d'ateliers qu'on organise. Voilà, toujours en soutien à nos porteurs de projet parce que ce n'est pas facile. C'est une chose, c'est de se lancer, mais tout autre, c'est de pouvoir durer. Donc, dans ce sens, on est encore présent à travers de ces ateliers qu'on organise. Merci Crépin. Vanessa, toi aussi, il me semble que tu as des permanences dans la semaine. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou est-ce qu'on peut te rencontrer ? Oui, alors moi j'ai 3 permanences fixes. C'est le mardi après-midi à la mission locale de Vendeuvre. Donc de 14h à 17h30. Les jeudis, je suis à la mairie de quartier de Haussonville. Et le dernier, c'est le vendredi. Donc c'est un vendredi sur deux, mais ça peut être tous les vendredis en fonction de la demande. Je suis donc sur le plateau de Haie-Champbœuf. Donc à savoir que d'autres permanences sur les quartiers des provinces ou même sur la Californie ou même à Tomblaine peuvent voir jour, c'est en fonction de la demande. Parce que vraiment, le but, c'est vrai que c'est de se rapprocher au maximum du lieu d'habitation des gens. D'accord. Donc, du coup, il ne faut vraiment pas hésiter, si on veut créer, qu'on habite dans un quartier prioritaire, à te contacter en tant que chef de projet Cité Lab. Tout à fait. Tu as tout résumé. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus nous parler du marché des créateurs. Donc, je le rappelle, ça a lieu mercredi, le 13 septembre, de 14h à 19h. Au parc Richard Pouille de Vendeuve-les-Nancy. Et donc, vous aurez l'occasion de découvrir plein d'entrepreneurs accompagnés par Cité Lab et l'ADI. Donc, on a dit tout ce qui va toucher à la gastronomie, du fromage, du miel. On a aussi tout ce qui va être textile, accessoires, doudou pour enfants. Pour enfants, tout à fait, la sérigraphie. Il y a de quoi faire, en tout cas. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau thème des entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. En attendant, vous pouvez retrouver toutes nos actus sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Et si vous avez loupé une partie de l'émission ou vous souhaitez la réécouter en podcast, rendez-vous sur fadjet.net. Belle semaine à tous. Merci à Radio Fadjet.